تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. أن دعوا للرحمن ولدا. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Il les a certes dénombrés et bien comptés. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu le moindre murmure?